الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. D'après Ibn Umar رضي الله عنهما, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son messager, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. S'ils font cela, alors ils préservent de ma part leur sang et leur bien, sauf pour ceux qui est du droit de l'islam, et leur sort est auprès d'Allah le Très-Haut. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumallah. Donc c'est le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Dans celui-ci, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Umirtu, il m'a été commandé, il m'a été ordonné. Wa fi hadhihi al-jumla lam yusamma al-fa'il, لم يسمى الفاعل. والآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة إذا قالوا أمرنا فالآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم dit: il m'a été commandé. Et on n'a pas cité le sujet. Qui est-ce qui donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc celui qui donne l'ordre ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Umirtu, il m'a été commandé, sans citer celui qui a donné l'ordre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les compagnons, lorsqu'ils disent Umirna, il nous a été commandé, alors à ce moment-là, il s'agira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui a donné l'ordre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car un compagnon n'a pas de supériorité sur un autre dans la législation. Qu'est-ce qui a été commandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Umirtu an uqatil an-nas, il m'a été ordonné de combattre les gens. An-nas, les gens ici c'est général, mais certains hadith, certains textes sont venus faire sortir de cette généralité certaines catégories de personnes. Donc ici le contexte, c'est un pays musulman, le gouverneur c'est un musulman. Parmi ceux qu'on ne combat pas, les gens du livre qui payent al-jizya, l'impôt, ou bien al-dhimmi, ou bien al-mu'ahad, rentrent dans les catégories de personnes qu'on ne combat pas. Celui qui est rentré dans le pays avec l'autorisation du gouverneur, al-dhimmi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le concernant: celui qui fait couler son sang ne sentira pas l'odeur du paradis. alors que c'est un kafir. Mais il est rentré dans le pays musulman avec l'autorisation du gouverneur. Avec l'autorisation du gouverneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire couler leur sang et de les combattre. Et de cela, tu vois les nobles caractères de l'islam, même avec les non-musulmans. Car cette religion, c'est une religion qui a été envoyée afin de parfaire les nobles caractères. Et c'est une religion qui est une rahmah, qui est une miséricorde pour le musulman et pour les autres. Comme le dit Allah subhanahu dans son livre, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et tu n'as été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Pas pour une catégorie de personnes en dehors d'une autre. Mais pour l'ensemble des espèces. Même les animaux ont tiré profit de la rahma, de la miséricorde et de la pitié qu'on trouve à l'intérieur de l'islam. Il y a aussi ceux qui ont un pacte de non-agression avec les musulmans. Et d'autres catégories de personnes. Jusqu'à quand durera cela? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jusqu'à ce qu'il témoigne de l'attestation de foi. Qu'il témoigne de la ilaha illallah. Et on a cité et répété que ash-shahada, ça n'est pas qu'une parole prononcée sur la langue, mais c'est une croyance dans le cœur qui est basée sur une science qu'on prononce sur la langue avec conviction. Avec conviction. Puis on en informe autrui. Et le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Et cette parole-là a deux piliers comme nous avons cité et on répète sans se lasser. La ilaha illallah se compose de deux piliers. Le premier pilier, la ilaha, est la négation, al-nafi. Le deuxième pilier, illallah, c'est l'affirmation, al-ithbat. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation que le seul a mérité entièrement toute l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliq, al-mudabbir, al-razzaq. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Pour se mettre à l'abri, le fait de témoigner de lui et reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte n'est pas suffisant. Il faut aussi reconnaître la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils doivent aussi reconnaître que Muhammad est un serviteur d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'Allah l'a préféré à ses créatures et l'a élevé en lui donnant le message et la révélation, en faisant de lui un prophète puis un messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuqimu as-salah, il doit aussi accomplir la prière. Wa yu'tu az-zakah, s'acquitter de l'aumône. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fa idha fa'alu dhalik, s'ils font cela, c'est-à-dire reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et témoigner de cela. Reconnaître la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et témoigner de cela. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône. Donc s'ils font tout cela, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ils auront préservé de ma part leur sang et leur bien. Leur sang et leur bien. Car à ce moment-là, en ayant fait ce témoignage, la personne deviendra musulmane. Il aura donc les mêmes droits que ses frères et les mêmes devoirs envers eux. Et parmi ces droits, le fait que son sang, ses biens et son honneur deviendront sacrés. Son sang, son bien et son honneur deviendront sacrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa bihaqq al-islam, sauf pour ce qui est du droit de l'islam. C'est-à-dire qu'on ne touchera pas à tout ce qui est sacré. Mais si il commet un acte et que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un texte qui montre que dans ce cas-là, on pourra lui ôter la vie ou lui prendre de ses biens et autres choses parmi les règles religieuses, alors à ce moment-là, on ne pourra plus utiliser ce hadith pour préserver son sang et ses biens. Pour préserver son sang et ses biens. Par exemple, dans l'islam, celui qui vole une certaine somme, le gouverneur ordonne à ce que sa main soit coupée. Est-ce que dans ce cas-là, il pourra dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah fa ana muslim wa usalli wa uzakki fa ana muslim la yahtaju bidhalik. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها هنا فقال إلا بحق الإسلام إلا بحق الإسلام sauf les droits de l'islam. Donc s'il fait une chose ou dans la religion il y a un texte qui montre qu'il recevra telle ou telle sanction, alors il devra la recevoir, alors le gouverneur devra appliquer la peine sur cette personne. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى رواه البخاري ومسلم. Et leur sort est auprès d'Allah le Très-Haut. Que signifie ce passage? أَيْ أَنَّنَا نَقْبَلُ الظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. من أظهر الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة صلى مع المسلمين زكى قبلنا إسلامه وظاهره ولم نؤمر بأن نفتش في نفسه وفي قلبه. Celui qui vient avec l'islam, qui atteste de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accomplit la prière, s'acquitte de l'aumône. Nous on dit que c'est un musulman et on accepte ce qui est apparent de la personne. Et nous n'avons pas, on ne nous a pas ordonné de fendre les poitrines et de regarder le contenu des cœurs ainsi que leur sincérité. Celui qui vient et nous montre l'islam, on accepte son islam. Et on ne remet pas en cause son témoignage. Car la sincérité de la personne ou l'hypocrisie de la personne, c'est une chose qui est intérieure. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le contenu des cœurs. Et il nous dit lui-même dans son livre, « Wa hussila ma fi sudur » En nous parlant de Yom al-Qiyamah, le jour où les contenus des cœurs seront dévoilés. Ça nous montre qu'à part avant cela, on ne connaît pas le contenu des cœurs. Voyez, Yom atubela sarair. Les choses cachées, le jour où les choses cachées seront dévoilées. Donc, ce que signifie wa hisabum ala Allah ta'ala et leur sort est auprès d'Allah, c'est-à-dire que est-ce qu'il a été véridique dans ses paroles et est-ce que véritablement c'est un musulman intérieurement, extérieurement, cela revient à Allah. On ne peut pas savoir la sincérité et la véracité de la personne lorsqu'elle a montré son islam. Donc nous, si quelqu'un vient et entre dans l'islam, on l'accepte et il a sur nous les mêmes droits que nous avons sur les autres musulmans. Et on l'accepte dans la communauté. Et il aura donc les mêmes devoirs. Le fait de dire oui, mais peut-être qu'il se convertit pour pouvoir épouser telle femme. Oui, mais peut-être qu'il se convertit pour avoir tel poste, tel emploi, et ainsi de suite. cela n'est pas notre responsabilité. Cela n'est pas notre responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui uniquement qui juge le contenu des cœurs. Et qui sait qui est le véridique du menteur. Et qui sait qui est la personne sincère et qui est l'associateur. Celui qui agit avec ostentation. Celui qui veut qu'on pense de lui ce qu'il n'est pas. Tout cela ne nous regarde pas. Après, certes, il y a des signes. Il y a des signes de l'hypocrisie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité Ayatul Munafiq Thalath, les signes de l'hypocrisie ou de l'hypocrite sont nombre de trois. Idha haddatha kadhab, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf, lorsqu'il promet, il rompt le dépôt, il rompt la promesse. Wa idha tumina khan, ou bien lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Wa idha tumina khan, et lorsque tu lui confies quelque chose, il te trahit, il ne respecte pas le dépôt. Ça, c'est des signes de l'hypocrite. Mais c'est pas parce qu'on va voir des signes qu'on va pouvoir avoir la certitude que cet homme-là, c'est un hypocrite. Ça veut dire quoi, un hypocrite, un munafiq? Cette parole-là, tu n'as pas le droit de la prononcer comme bon te semble. Certaines personnes, lorsqu'ils se disputent, ils disent « Anta munafiq, toi t'es un hypocrite ». Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire un hypocrite? Ça veut dire que c'est un kafir billah qui montre que c'est un musulman aux yeux des gens. Ça veut dire ça, munafiq. Lorsque tu dis quelqu'un « Ya munafiq », tu es en train de prétendre que c'est un kafir billah al-azim. C'est un kafir. Mais il montre aux gens que c'est un musulman. Pour bénéficier de leurs bienfaits et être en sécurité au milieu des musulmans. Et les hypocrites, aussi, tu es donc en train de prétendre que cet homme-là, il sera en dessous des koufars, en enfer. Car les hypocrites seront plus profonds de l'enfer. Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfal min an-nar. Allah nous informe de cela dans le Coran. Donc, on n'a pas à fouiller et à essayer de chercher le contenu des cœurs. Non, on accepte ce qui est apparent. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah qui montrera aux gens quel était le véridique et quel était le menteur, quel était le sincère, quel était l'associateur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une délégation et avec eux Usama ibn Zayd radiallahu anhuma, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils de son bien-aimé, Usama pendant la bataille a vu un homme tuer un musulman. Et lorsqu'il s'est emparé de lui et a levé son épée pour lui porter un coup, cet homme-là a dit, et cet homme-là s'est converti. D'accord? Donc il a tué des musulmans. Et lorsque Usama l'a attrapé et a levé son épée devant lui, il a dit, Aslamt, je me soumets à l'islam ou je me convertis, ou une parole semblable. Une parole semblable. Usama radiallahu anhu l'a quand même tué en se disant qu'il dit ça que pour échapper à l'épée. D'accord? Fa'ala hadha kalmuta'awwil. D'accord? Il n'a pas voulu tuer un musulman, mais il s'est dit que cet homme-là a fait semblant de montrer l'islam pour se sauver de l'épée, pour s'en sortir sain et sauf. Lorsqu'ils sont rentrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Il a dit à Usama radiallahu anhu, alors que c'est connu que c'est son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup et passait du temps avec lui et lui donnait une place toute particulière. Il lui a dit Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait prononcé la ilaha illallah? Alors Usama radiallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, il a dit ça que pour échapper à mon épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répétait, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Alors Usama a dit, Ya Rasulallah, il a dit cela que pour se mettre à l'abri de mon épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as ouvert sa poitrine? يعني سأغطر سلمان كاكسي وحسابهم على الله تعالى leur jugement il revient à Allah nous on ne sait pas le contenu des cœurs il l'a tellement réprimandé et n'a cessé de lui répéter cette parole jusqu'à que Usama radiallahu anhu a dit que ces paroles étaient tellement lourdes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réprimandait qu'il a dit j'aurais aimé m'être converti que à cet instant pour pas avoir été responsable de tout ce qui s'est passé subhanallah tellement que cette parole là est sacrée a de la valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala et que l'homme qui porte la ilaha illallah a une valeur immense si seulement on savait la valeur de celui qui a dit la ilaha illallah les comportements qu'on voit entre les frères ne seraient pas cela. Et dans le texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sahabi a regardé la Kaaba et a dit ma ashrafaki wa ma a'zama hurmatak. Comme tu es noble, en parlant à la Kaaba, et comme est immense ton caractère sacré. Wa la hurmatul muslim a'zamu 'inda Allah. Mais le caractère sacré du musulman est encore plus immense chez Allah que toi. Al-Kaaba, al-Musharraf. Si tu vois quelqu'un manquer de respect avec une parole ou une action envers la Kaaba, sans aucun doute, tu vas être jaloux et tu vas te mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'un musulman, son honneur n'est pas respecté, ou peut-être même que toi, tu te permets de dévaloriser ce musulman et de parler sur ce musulman et de nuire à ce musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la valeur de Usama, il l'a réprimandé sévèrement. L'a réprimandé sévèrement au point de lui dire Mada tasna' idha ji'a bi la ilaha illallah yawm al-qiyamah. Comment est-ce que tu feras si yawm al-qiyamah il vient avec la ilaha illallah? S'il était sincère. Comment est-ce que tu vas faire Yom Al-Qiyama, t'as tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah? Au point où, comme je vous ai dit, Oussama a dit, j'aurais aimé ne m'être converti qu'aujourd'hui, qu'à cet instant. Donc, on ne doit pas fouiller et essayer de chercher et de savoir le contenu des cœurs. Dans ce hadith, on voit le caractère sacré du musulman. Et que la chose la plus importante, c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. C'est le commencement de tout le bien et sa terminaison. C'est son début et sa fin. C'est le début du prêche des prophètes et messagers, le milieu et la fin. Et on voit que le témoignage de la ilaha illallah doit être accompagné du témoignage de Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sinon la personne qui reconnaît qu'Allah est la seule divinité méritant entièrement toute l'adoration, mais sans reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager, cette personne-là n'entre pas dans l'islam. Cette personne-là est mécréante. Même si elle dit la ilaha illallah de jour comme de nuit, tant qu'elle n'aura pas reconnu que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'il a reçu la révélation, c'est son prophète et messager à l'ensemble des hommes et des djinns d'ailleurs. On voit ici la valeur de la prière et son importance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité directement après l'attestation, après shahad. On voit aussi ici l'importance de la zakat, qui est souvent citée à côté de la salat dans le Coran ainsi que dans la sunna. Ici une question qu'on pourrait se poser, c'est où sont les autres piliers de l'islam? Car comme nous avons étudié dans le troisième hadith, le hadith de Abdullah ibn Umar, Abi Abdurrahman radiallahu anhuma, on a vu que l'islam repose sur 5, que ses piliers, ses fondations sur lesquels repose cet islam et s'élève, sont au nombre de 5. On pourrait donc dire ici, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité As-Sawm, Al-Siyam, Shahr Ramadan, ni Hajju Baytillah al-Haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas cité le jeûne du mois de Ramadan, ni le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Pourquoi cela? Les savants ont cité plusieurs réponses à ce problème. Et une réponse qui est sadida, qui est forte et très intelligente, consiste à dire, et celle qui consiste à dire, que Asya, certaines personnes ne peuvent pas le jeûner. Asya, certaines personnes ne peuvent pas le jeûner. Soit car ils sont malades, soit ils n'ont pas l'obligation car ils sont en voyage, et ainsi de suite. Donc il pourrait y avoir des cas où la personne n'aura pas à jeûner. Et concernant Al-Hajj, c'est pour celui qui en a la capacité physique, la capacité financière et la sécurité du chemin. La sécurité du chemin. Donc vu que cela pourrait ne pas concerner une grande partie de la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas cités. Aussi, la personne qui jeûne, c'est une chose qui est cachée. C'est une relation secrète entre le serviteur et son Seigneur. C'est une relation privée entre le Seigneur et son serviteur. La personne peut jeûner en apparence et rentrer chez elle et rompre son jeûne. Ça. Et on ne pouvait pas rattacher le combat à quelque chose de caché. Il fallait un signe évident, apparent. Il fallait un signe évident et apparent. Or, le jeûne, c'est une chose privée. On ne pourra pas vérifier qui jeûne et qui jeûne pas. Alors, on ne pouvait pas rattacher au combat, au fait de combattre la personne, le jeûne du mois de Ramadan. Car le alama, le signe n'allait pas être assez évident pour pouvoir distinguer celui qui rentre dans ce hadith de celui qui n'y entre pas. Et pour le pèlerinage, c'est la même chose, en ajoutant le fait que beaucoup de gens n'entrent pas dans les conditions d'obligation du pèlerinage. C'est les raisons pour lesquelles, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le jeûne du mois de Ramadan et n'a pas cité le pèlerinage à la maison sacrée. Parmi ce qu'on tire également du hadith, c'est que celui qui prononce le témoignage, on accepte son islam. On accepte son islam. Et cela même avant, qu'il n'ait effectué la prière et les autres piliers de l'islam. Au moment même où il prononce le témoignage, il devient musulman et on accepte son islam. Ensuite, après avoir fait cela, on l'appelle aux autres piliers, bien évidemment. Et on lui enseigne la tahara, la purification, la prière, en commençant du plus important à l'important. Et certaines personnes appellent les gens à la prière avant même ash-shahada. Wa hadha ghalatun 'azim. Car Allah n'accepte pas. Donc, je disais que certaines personnes appellent les gens à la prière avant même le témoignage et l'attestation de foi, avant même la prononciation de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et cela est une énorme faute, car Allah n'accepte pas les actions des gens qui ne sont pas musulmans. Et la personne entre dans l'islam par une porte, et c'est la prononciation de cette parole. C'est le fait de prononcer le témoignage d'attestation de foi. Donc on les appelle d'abord au tawhid et à reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite seulement à la prière. Puis les autres ordres de l'islam. On voit ici que la personne qui prononce le témoignage, son sang, et ses biens, et dans notre hadith, son honneur, deviennent sacrés. Donc si tu fais couler le sang d'un musulman ou d'un innocent, tu auras commis un grave péché. Et le meurtre fait partie des pires péchés que l'islam a réprimandés. Ta propre personne, tu n'as pas le droit de la tuer. Allah nous interdit dans le Coran de nous suicider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna nous dit que celui qui se suicide avec une chose aura à subir cela en enfer. Celui qui saute par exemple par une fenêtre ou autre aura à tomber sans que ça s'arrête, sans que cela ne cesse. Sans que cela ne cesse. La cause qu'il aura utilisée dans ce bas monde sera son châtiment dans l'au-delà. Ça c'est pour la personne qui s'est suicidée. Et tu n'as pas le droit de tuer les gens. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah nous a dit dans le Coran de le meurtre. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. De cela on tire que seul Allah connaît le contenu des cœurs, et seul Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera cela يوم القيامة. Et que nous, par contre, nous devons accepter ce qui est apparent des gens. Voici pour le 8e hadith.